Al vostre costat, i una vegada més, tornem a ser aquí, a Hola La Música, el programa de música en francès que us porta, com sempre, aquesta emissora Rafael Corbí. Anem a començar el dia d'avui recordant a Brigitte Bardot, amb una de les cançons que ens parlen de la música, una remasterització del 2017 de les seves cançons. Els amics de la música, és aquest el tema amb el qual avui iniciem el nostre programa. Benvinguts i benvingudes. Amis de la musique, de l'accent grave à l'excentrique, sont venus jusqu'au fond de ma cour avec un 78 tours d'une autre époque me dire bonjour. Des visites, je n'en ai plus, à part quelques vieux farfelus qui viennent parler du temps passé sur mes instruments pleurnichés, comme si la jeunesse oubliée ne s'était pas bien amusée. Je suis le jazz de 1925 et fais chanter des airs pour que l'on trinque. Éléonore est devenue grand-mère, mais pourrait encore faire quelques pas pour vous plaire. Le vieux jazz ramène son trombone vers la peau d'un banjo qui sonne. 1925 se prend les pieds dans un gramophone enrhumé qui pavillonne et poumonne. Tous les amoureux du ragtime ont cherché une rime en naïm. 1925 a foutu le camp vers le jazz moderne, et pourtant quand le trombone fait son beuglant, on est encore dans l'étonnement. Jazz de 1925 et fait chanter des airs pour que l'on trinque. Éléonore est devenue grand-mère, mais pourrait encore faire quelques pas pour vous plaire. Tous les amis de la musique, de l'accent grave à l'excentrique, sont repartis vers d'autres lieux en emportant de ce temps-là la preuve qu'il ne vieillit pas. La preuve qu'il ne vieillit pas. La preuve qu'il ne vieillit pas. Així hem escoltat a la Brigitte Bardot i així comencem a escoltar peticions dels nostres oients que ens arriben mitjançant diversos canals. Si entreu a Facebook i busqueu la música, doncs ens trobareu. Allà hi ha el nostre número de WhatsApp també per enviar-nos peticions. Ens podeu contactar per correu electrònic, de moltes maneres, o buscant el nostre podcast a través d'iVoox, a través d'aquesta mateixa emissora. Ens podeu contactar també, com no, a través del nostre blog d'Hola la Música, el blog que us oferim cada setmana també amb les nostres cançons. Una de les peticions és aquest tema de Claude François des de l'àlbum Souvenir del 1994 del cantant nascut a Egipte i que el coronel Nasser el va expulsar el 1956. Mira, encara vam tenir sort, doncs, si això va servir per la seva carrera musical. Tu i jo contra el món enter, és Claude François. Je suis blond et tu es blond. Tu as les mêmes yeux que moi. Tu es la réussite que je n'attendais pas. Nous deux, c'est une histoire d'homme. Ne va pas le dire à ta mère. Tu es l'ombre de ma peine.

peut-être le jour où la terre s'entrouvrira. Hier, on se regardait à peine. C'est à peine si l'on s'est penché. Aujourd'hui, nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, chérie des atomes, fais ce que tu veux. Je sais pas, sí, bona música i bons ritmes a càrrec d'aquest personatge Alain Bashung, que ens acompanyava a les seves cançons a través d'una nova edició de Hola la Música 3 que n'hem triat, però n'hi haurà moltes més per escoltar que van amb aquests residents de la República. Maxime Le Forestier, 1988, nascut a qualsevol part, això és el seu, i això del part, nascut a qualsevol part, és una cosa que també ens podríem explicar de la nostra vida, perquè a qualsevol part podem néixer, si ho enteneu bé, si no, sé que m'explico molt malament. Maxime Le Forestier ens acompanyarà amb alguna de les cançons d'aquest disc que va editar el 1988, just com feia 20 anys, que havia començat a cantar més o menys, a començar a cantar d'una manera més professional l'any 68. És un personatge dels carismàtics de la música francesa, diria jo, de la cançó francesa, però ell hi va posar molt de la seva part perquè fos diferent, sobretot amb les influències del folk més aviat que es practicava aquells anys a Califòrnia, aquell folk entre Southern Rock, entre Country, entre Blues, moltes influències. L'escoltem, doncs, amb alguna de les peces que he triat per vosaltres d'aquest disc de l'any 88. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Et les oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Oh, d'été, comme on en fait beaucoup, entre mer et garrigue au début du mois d'août. Un air de chanson dans la tête, et puis l'envie de voir si la mer était bonne. Je roulais par hasard entre Nîmes et Narbonne. Je me suis arrêté à Sète, poussé par les voitures ou porté par les vents, dans cette cité-là que l'on passe en suivant n'importe quel itinéraire. À peine a-t-on le temps de quitter les faubourgs, c'est là le résumé de la vie le plus court. On se retrouve au cimetière. Le calme anonyme qui réside en ce lieu est celui que l'on voit chez les morts de banlieue. On chercherait l'extravagance, aussi libre qu'on ait vécu. Décidément, on est toujours guetté par un alignement, sauf de discrètes différences. C'est un pain parasol qui n'aura pas éclos, tant viennent les amis piétiner cet enclos. J'ai peu d'espoir qu'ils ne grandissent. Ils continueront donc de rôtir au zénith, mais de tous leurs bouquets posés sur le granit, pas un ne m'a semblé factice. Au milieu d'un essaim de touristes en chaleur, j'ai vu s'épanouir une petite fleur qui semblait marcher comme on danse. Avec deux seins de soie déguisés par un voile, les longues de ta croix n'a pas bougé d'un poil. Je me demande à quoi tu penses. À quoi tu penses donc, laquelle as-tu choisi des ruses que les hommes ont trouvées jusqu'ici pour rendre la mort moins cruelle? Survie de l'âme ou fin de tout, quoi qu'il en soit, c'est pas beau de mourir pour demeurer de bois aux larmes d'une demoiselle. Elle avait 20 ans et qu'elle était jolie, la laisser s'en aller n'eût pas été poli. Les chagrins sont durs à cet âge. On avait une sorte d'ami en commun, c'était mieux qu'un début, je lui ai pris la main. Nous voilà partis pour la plage. Entre le bruit des vagues, le son des soupirs, les sardanes funky qu'on entend déglapir en modulation de fréquence, et les cris des enfants qui s'ébattaient dans l'eau, quelques maîtres nageurs sifflaient un pédalo, voguant vers l'horizon, vacances. Les mots, moi les gestes, C'est comme ça qu'on s'est tout dit. Le seul témoin qui l'atteste, c'est le ciel de notre lit. Tant qu'on ne les a pas écrits, on dit que rien des mots ne reste. Les gestes s'envolent aussi. Elle a les mots, moi les gestes. Même avec les yeux fermés, elle me comprend, manifeste. Ce sont les essais que j'ai faits. Dites au chagrin qui m'a quitté et qui me fuit comme la peste, que son geste m'a touché. Elle a les mots, moi les gestes, main de velours et voix d'or. Quand elle se tait, je proteste, elle me secoue quand je dors. Tu peux lui dire un mot d'accord, mais juste un mot, pas un geste. Pas un geste où tu es mort. Elle a les mots, moi les gestes. Plus je bouge, plus elle crie. Tous les voisins nous détestent, c'est que ça leur fait envie. Pour arranger tous leurs soucis, gardons les mots pour la sieste et les gestes pour la nuit. C'est comme ça qu'un musicien part pour la vie aux Marquises, pour la nuit dans un bar. Il allait de ma prise une guitare, une valise. On laisse pas ça traîner sur le bord d'un trottoir. Si on pique la valise, tôt ou tard, il aura plus rien pour s'asseoir. C'est pas pour ses deux chemises, ni son pantalon noir, mais les lettres d'Élise cachées dans la valise. Qu'est-ce qui va les chanter si on pique la guitare? J'aurais aimé la peinture, ce serait beaucoup moins dur. Au moment de te quitter, ma valise dans une main, l'autre autour de ta taille, de mes doigts sur tes reins, je t'écrirai en braille. Bye bye. Prise, toujours en retard, c'est pas bon pour se dire au revoir. Dans ta rue les gens disent, mais c'est des racontars, qu'un porteur de valise par une matinée grise t'a laissé sans un mot, toi qui aimes tant la guitare.